On veut un pays, on veut un pays, on veut un pays, on veut un pays. S'il était un parti politique, il aurait 125 députés élus et aucun squelette dans le placard. Mais heureusement, il ne dirige pas le Québec, mais plutôt la meilleure émission de radio au monde! Voici votre animateur, Jean-Philippe Bonte! Hey, boy! Boy! La meilleure émission de radio au monde! Ouais! C'est vrai. Ben, je pense que oui. On va arrêter d'être... On a du recul. Ben oui, on ben dire, oui. On a du recul. On écoute la radio de partout dans le monde. Totalement. On est capable de le dire. Hey, bonsoir tout le monde, il est à peine 19h. La soirée est encore jeune, ce qui va nous laisser amplement le temps de nous remettre du grand deuil que vivent tous les Canadiens et Canadiennes cette semaine quand même. C'est pas une blague. Ouais. Et ben, qu'est-ce que tu veux, c'est une grosse perte. Ouais. Bonsoir, Fred. Ouais. Ben oui, je sais. Bonsoir, Fred. Mais je comprends, c'est M. Flaherty était le plus sympathique des ministres conservateurs. Oui, mais c'est pas de ça que je parlais. Ah non? Non, ah. Je parle plutôt des coupures à Radio-Canada. Ah. Quand même, franchement. Ah, ça! Oui. Ben ouais, mais là, c'est rendu tellement fréquent, on dirait qu'on s'est habitué. Voyons donc. Alors qu'un ministre qui nous quitte, ça, c'est rare. Ben, rare. Attendez un peu. Là, regardez le nombre de ministres péquistes qui nous ont quittés lundi. Ah, c'est vrai. Ça en fait pas mal. Oh oui. Hein. Un char et une barge. 13 à douzaine, on dit. Il n'a eu pas mal. Hein? Ah, j'avoue. Ah, tabarouette. Sinon, ben, qu'est-ce qu'il y a eu cette semaine? Évidemment, Pauline, tout de suite après les élections, qui nous a appris qu'elle refusera sa prime de départ de 181 000 $. C'est un beau geste, hein? Ouais. C'est un beau geste, quand même. Ouais. Ouais. En même temps. Oh. C'est la moindre des choses. Eh, hey, ben là. Bourré aux as. Hey, il paraît que le docteur Barrette s'est informé savoir s'il pouvait l'avoir. Ah ouais, hein? Ah ouais. C'est... Ah, pas de gaspiller, pas de gaspiller. Et le docteur Barrette n'aime pas le gaspillage. Non. D'ailleurs, paraît qu'il est très, très content d'avoir gagné ses élections. Hein. Ah ouais? Ben oui, ben sans ça, il aurait été obligé de se présenter au PQ. Ah ouais? Là, ben personne. Essayez, ouais, non, personne veut ça. Ouais, non, personne. Non. Hey, sinon, dur lendemain de veille, on va se le dire, là. Dur lendemain de veille pour les péquistes. Oui. Hey, c'est pas mêlant. Ils ont fait le pire score de l'histoire du PQ. Ben oui, c'est pas une blague, là. Pire que sous André Boisclair. Pire. Non, mais c'est vrai, pire. Hey, il doit être mort de rire. Ouais, mais en même temps, il n'y a pas beaucoup le sens de l'humour. Ah ouais? Hein? Hein, non. Fait qu'il est juste mort. Non, non plus. Non plus. Non plus. C'est pas. Ouais, c'est ça. Hey, non, il paraît que le PQ a trouvé une nouvelle raison pour expliquer sa défaite. Ah, ouais, une nouvelle raison. Ah, mais c'est à cause des médias, j'imagine. Non, ça, ils l'ont déjà dit, en fait. Et c'est pas non plus à cause du fédéral. Ah, on aurait pu penser, mais non. À cause des intégristes musulmans. Non plus. Ben, et c'est pas à cause des Anglais. Non plus. Ah, ouais. À cause de l'hiver trop long. Non, en fait, la vraie raison, Fred, c'est que le PQ utilisait Windows XP. Ah! Et... Ce qui explique le bug dans leur stratégie. Ah, hein. Ben oui, ben oui. C'est niaiseux. Hein. Ah, c'est nono. Hey, malheureusement pour eux, hein, ça va prendre plus qu'une petite mise à jour pour ben le reboot. Tu vas pas suivre. Non. Ça sera pas un quick restore. Non. Regarde, on peut en faire plein. Ouais. Pas Ctrl-Alt-Delete qui va faire la job. Non, mais regarde. Sinon, quoi d'autre? Ben, regarde, retour au petit train-train quotidien. Ah oui. Regarde, l'UPAC qui fait une grosse perquisition chez Zampino. Ah oui. Nathalie Normando qui fait des affaires un petit peu croches. Ah Marc Yvan Côté qui ramasse de l'argent. Le PQ qui est de retour au pouvoir. Ah PLQ, pardon. Ah ouais, non, regarde, c'est mort. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On est-tu bien dans nos vieilles pantoufles? Ah! Hé! Hein? Regarde, c'est tellement confortable. Hein? Et dire qu'on aurait pu les perdre, ces pantoufles-là, non, si le PQ avait gagné, là. Je le sais. On serait nu-pieds aujourd'hui. Je le sais. Ça fait du bien, hein? Ah, moi, quand les affaires changent, là, ça... J'aime pas bien ça. Non. Ah, oh, non. On est bien. Hey, parlant de vieilles pantoufles, il y a l'ex-gouverneur général du Québec, Lise Thibault, qui voyons. Mais non, mais c'est... Enfin. Donc, Lise Thibault qui subit son procès cette semaine après 7 ans d'attente. Mais voyons, c'est donc bien long, 7 ans. C'est quoi, ça? Oui, ça a été long, mais là, mais ça marche sur des roulettes. Ah, ouais, là, ah, ça... Oui, là, ça... Elle est accusée de quoi déjà, elle? Elle est accusée de fraude et d'abus de confiance. Eh, crime, ça a fait toute une candidature pour le PLQ, ça? Ouais. C'est sûr, mais il y en a eu en masse des candidatures. Oui, faut pas. Sinon, quoi d'autre cette semaine? Il s'en est passé des choses, là, quoi? Ben, grosse tragédie, hein. Sordide attaque au couteau en début de semaine, vous avez ben, vu ça? Ben oui, pauvre Pauline, encore des couteaux dans le. Non, mais. Mon tu à lâcher? Non! Non, frère, tu parles de l'attaque dans une école en Pennsylvanie. Ah! Ben voyons donc. Non, ça, c'est une vraie tragédie, ça, franchement. Lundi, ben oui. Lundi, c'était plutôt... c'était quoi, ça, lundi? C'était du burlesque. C'était du burlesque. Ah, ouais. Hein? Les trois... Il y avait l'air de la poune. Ah, ouais. On veut un pays! On veut un pays! Voyons donc! C'est spécial. Voyons donc. T'es un beau show, par exemple. Hey, heureusement, nos invités de ce soir n'ont rien à craindre. Non. Hein? On reçoit d'abord le député de Chauveau, M. Gérard Deltel. Ah, on est très content de le savoir. Deuxième fois à l'émission. Hein? Paraît que la CAQ, c'est le renouveau de la politique québécoise. Hein? Oui, un genre d'union nationale des temps modernes. Ben oui. Un chef plein de nobodies, c'est comme l'Union nationale. Ça ressemble à ça. Bon, sinon, ben, on reçoit une nouvelle venue à l'Assemblée nationale. Oui. Hein? La députée, notre députée Manon Massé. Ouais. Yes! Là, comment? Wow, notre députée, là. Ben, notre députée, vous avez voté pour elle? Non. Quand je dis notre députée, je dis ça parce que Radio-Canada est située dans sa circonscription. Ah! C'est pour ça que je dis ça. Il y a ben beaucoup de pauvres ici aussi. Oui, il y a beaucoup de pauvres. On aura le temps de les compter parce que la soirée est encore jeune. Bon. Hey, le petit Niquette! Oui! Ben, les gens peuvent nous suivre sur notre site radio-canada.ca/lasoirée, sur twitter.com/lasoirée et sur facebook.com/lasoirée. Ouais. Encore jeune. Ou d'ailleurs, nous avons presque atteint le chiffre magique de 4000 fans. Oh. Et vous savez ce qui arrive après 4000 fans? Qu'est-ce qui arrive? 4001 fans! Oh. OK, on passe au courrier des auditeurs. Olivier qui rit. Hey, j'espère que vous avez saisi ce moment-là. Hein? Olivier Horry. Olivier Horry. Ah ouais. Incroyable. Ça, c'est... D'abord, on a Kevin Kyle qui nous dit ouais. « J'aimerais vraiment assister à l'enregistrement de votre émission, mais moi, je suis du vrai monde qui se lève le matin pour payer des taxes et le vendredi à 16h, je travaille. Ouais. Est-ce qu'un jour, je vais pouvoir venir? » Ben, Kevin Kyle, ça tombe bien parce qu'exceptionnellement, nous enregistrerons l'émission du 2 mai, la veille, le 1er mai à 19h le soir. Dépêchez-vous de réserver une place en écrivant à lasoirée@radio-canada.ca. Ah, ça va être le fun, hein? Un genre de 5 à 7, mais il commence à 7. Ouais. Jeudi soir, ça va vraiment vrai, téléphone. On va aller rejoindre Jean-Sébastien Girard. Jean-Sébastien! Bonsoir, Jean-Philippe. Hé, hey, mon Dieu, encore une grosse voix, hein? Ah, on appelle ça une voix détendue, Jean-Philippe. Ah oui? Comment ça, donc? Il n'y a plus de menaces référendaires, Jean-Philippe, réalisez-vous. Ah, ça, c'était l'enfer, vive ça. L'enfer, vous dites, Christ! Si, Jean-Philippe. Oui. Je veux dire, moi, ça me prenait tout mon petit jus, hein? Non. Je sais. Hey, maintenant, là, je dors minuit, j'ai cessé mes antipsychotiques, j'ai jamais été aussi bien que maintenant. Ah non, je sais. Puis c'est un plus pour toute l'équipe, hein. C'est vraiment de la bonne nouvelle, ça, Jean-Sébastien. Absolument. Tellement, Jean-Philippe, que je me sens tellement disposé présentement que j'ai décidé de donner dans l'altruisme cette semaine. Ah, vous allez donner de l'altruisme? Non! Enfin! Je vais donner un coup de main à quelqu'un qui vient tout juste de perdre son travail, malheureusement, Jean-Philippe. Et mon Dieu, il y a beaucoup de choix ici, mon beau, hein? Ouais, non, mais je parlais pas de ça, je parle plutôt dans la classe politique, Jean-Philippe. Et il y a beaucoup de choix aussi, mon beau, hein? Oui, OK. Alors, je vous donne un indice. Ouais. C'est quelqu'un qui a déjà commencé à chialer après Mme Marois, alors que son corps est encore tout chaud, la pauvre dame. Ben là, c'est pas un indice, Jean-Sébastien, là. S'il y a de quoi, ça rend encore plus flou. Il y en a des centaines. Okay. Il y en a plusieurs. Ouais. Là, vas-y. Autre indice. C'est un péquiste qui, finalement, a l'air pas mal contre la charte. Ben là, arrêtez, je veux dire, à part Bernard Drinville, qui est pour? Ben ouais. Oui, exactement. Ben, donnez-moi de l'aide. Oui, écoutez, je vous donne un vrai indice cette fois-là. C'est un jeune, je vous dirais quelqu'un en bas de 60 ans. Bon, ouais, ben là, ça en enlève pas mal, Mais on sait que c'est pas Léo Bureau-Blouin. Oui, c'est lui, c'est Léo Bureau-Blouin. Ben là, vous m'avez triché, vous avez dit en bas de 60 ans. Je sais, c'était pourri. Ben oui, mais c'est trop... Trop poche, le gars. LOL. MDR. OK. Enfin, vous vous souvenez probablement, Jean-Philippe, que 18 mois, j'aidais le petit Léo à vider ses cartons, à s'installer dans son bureau. Et effectivement, comme la vie est une salope, et bien seulement 18 mois plus tard, je vais l'aider aujourd'hui à refaire ses cartons et on va aller porter donc ses boîtes dans la chambre familiale chez ses parents dans quelques minutes, Jean-Philippe. Ah, pauvre petit loup quand même, hein? L'enfer. Ah, mon Dieu. Merci beaucoup, Jean-Sébastien. À tout de suite. Au revoir. Fred, notre premier invité. Réélu dans Chauveau, notre prochain invité est la preuve qu'il ne faut jamais vendre la peau de l'ours avant d'avoir voté pour. Accueillons le caquiste Gérard Deltel! Monsieur Deltel! Oui! Bon, première chose. Oui! Je voudrais vous présenter mes plus sincères excuses, juste Monsieur Deltel. Oui, quand même. Parce qu'on s'est rencontrés il y a 2-3 semaines à Deux Hommes en Or. Oui, je me souviens. Ouais. Et ben, je vous demandais si ça faisait quoi là, de vous présenter dans une autre partie qui allait disparaître. Mm-hmm. Puis je me suis trompé. Et voilà. Non, je pensais vraiment que vous alliez disparaître. Mm-hmm. Donc, je m'excuse. Je vais vous le dire. Non, je m'excuse. Je pensais vraiment que... N'empêche, 22 députés, c'est pas gros. Bah, c'est quand même pas pire. Ben là, on parlait d'une vague dans la dernière semaine. Là. Moi, je m'attendais à vous être dirigé par François Legault. Là. Ben, il nous a manqué juste 100. C'est tout. Prochain coup. On avait 122. Hein. Oui, c'est clair. Mais quand même, hein, ça a été toute une campagne électorale. Eh bien, je vais te dire une affaire. Ça montait en montagne russe. Ça se promenait tout le temps. Un coup, c'était une belle journée. Après ça descendait. Plus ça montait, ça descendait. C'était incroyablement. Tous les trois jours, tu avais un bouleversement extraordinaire qui arrivait. Et deux semaines avant, on a un sondage qui nous donne 13 %. À Québec, on est écrasé par le PQ. C'est pas une joke, là. Par le PQ? Oui, oui. Deux semaines avant, un sondage sort, on est écrasé par le PQ à Québec. Là. C'est ça, cette affaire-là. Hey, le gars, il a même pas eu 12 % dans mon comté, là. T'sais. Wow, là, c'est plus drôle. Le problème, c'est que ce sont les Québécois, le problème. Hein? Non. Ben, je veux dire, comment on fait pour ça? Vous dire, il y en a trop, je trouve. Ça a toujours été le problème des Québécois. On est trop. Non, mais c'est quand même quelque chose. En une trentaine de jours de campagne, mm-hmm. être capable de passer du PQ à la CAQ au PLQ, du PQ à la CAQ au PLQ... Ouais, mais c'est parce qu'il y en a un qui disait si vous votez PQ, vous votez PLQ. Il y en a un qui disait aussi si vous votez la CAQ, vous votez pour le PQ. Ouais. Si vous votez pour le PQ, vous votez pour la CAQ. Si vous votez pour Québec solidaire, vous aidez le PQ. Puis si vous votez pour le PQ, vous votez pour Québec solidaire. C'est sûr que le monde comprenait pas. Ben non, je comprends bien, Mais c'est encore votre faute aussi. C'est de votre faute aussi. Pourquoi? Ben parce que c'est vous qui aviez dit ça, là. Non, moi j'ai rien dit. Moi j'ai dit voter pour la CAQ, c'est un bon vote. Bon. Ah! C'est quand même. Toujours est-il que oui, 22 sièges, mais vous avez perdu quand même en pourcentage de voix. Oui, vous n'avez pas tort, mais là, si je me fais certains commentaires entendus en cours de campagne, on ne devait même plus exister. Hein? Je ne répéterai pas qui a dit ça, non, mais c'est entendu ça pas longtemps. Et quand même. Alors, mais on constate aussi que dans le ce que moi j'appelle le 4-5-0, rendu que c'est tous des chiffres à cette heure. Dans la couronne nord, couronne sud de Montréal, on a fait des gains. On a fait des gains, puis on est fort heureux. On est fort heureux d'avoir fait des gains. Vous vous rapprochez de Montréal, là. Mais là on va ériger des murs bientôt pour pas vous enfuir. Je sais qu'on est dans le comté, Mme Banté, mais quand même. Là, hein? ce qui est intéressant, c'est que je lisais Claire Durand, qui est professeure de sociologie à l'Université de Montréal, qui a, dans Le Devoir, confié à une journaliste que si la campagne avait duré quelques jours de plus, même quelques semaines de plus, peut-être que la CAQ aurait pu déloger le PQ. Oui. Qu'est-ce que vous allez faire pendant 4 ans dans la deuxième opposition? On va démontrer que d'abord, on est l'opposition officielle au gouvernement libéral, qu'on est l'alternative la plus crédible pour relancer le Québec. Et si par bonheur, il y a de plus en plus de gens qui viennent nous joindre, bien, vous regardez comment on va faire d'ici 4 ans, puis vous allez voir que dans 4 ans et demi, nous serons au pouvoir. Est-ce que vous allez profiter du fait que le PQ est un animal mort en ce moment? Il en arrache un petit brin, OK? Il en arrache un petit brin. Mais attention, là, le PQ, là, on l'a donné mort 43 fois, là, OK? Oui. Sérieux, là? Oui. Faut être prudent là-dedans. PQ qui sort lèvera jamais. Là. Oui, c'est vrai que c'est le pire score depuis 1973. C'est quelque chose. C'est quelque chose. En effet, ils doivent être malheureux. Mais souvenez-vous qu'en 1985, il y avait à peine une vingtaine de députés qui étaient là. Puis là, c'était l'Affirmation nationale avec Pierre-Marc Johnson. Puis après ça, il a quitté dans le brouhaha il y a un an plus tard. Ouais. Tout ça. C'est incroyable. Puis finalement, ce parti-là a réussi à remonter. Souvenez-vous aussi, en 2012, en janvier 2012, Mme Marois était aux prises avec une crise terrible à l'intérieur de son parti. Il y avait 5-6 députés qui avaient quitté. Puis tout le monde disait, elle sera pas là pantoute. Boum, 9 mois plus tard, est élu premier ministre. Attention en politique. Les gens qui assassinent les gens et les enterrent, il faut être prudent. Mais... N'est-ce pas? Dois-je vous rappeler ces paroles prononcées il y a peut-être 3 semaines? Mais je le sais. Je le sais. Que je suis un cheerleader du PQ. Là. Non. C'est suspect, mon affaire. Ben ouais. Mais non, mais je trouve ça le fun parce qu'en même temps, peut-être qu'ils vont vous écouter aussi puis ils vont se dire, ça va pas si mal que ça. Mais... Mais la pas question ce que je voulais dire, mais bon. Mais évidemment. On peut recommencer. Non, on va le garder tel quel, on trouve ça bien bon. Deltel, mon nom, Deltel, pas mais... On se rappelle de la campagne de François Legault qui était une anti-campagne. Yes, sir. Là, vous allez m'expliquer, parce que là, on l'a suivi, il l'a dit au début, on va regarder c'est quoi une anti-campagne. Ben oui. Hein? Puis là, finalement, on ne s'est pas vraiment aperçu des différences entre une campagne et une anti-campagne. Pardon? Ben, je veux dire, c'était quoi la différence entre les deux? Parce que non, je serais curieux de savoir, parce que vous aviez aussi un autobus, aviez des points de presse quotidiens, il y avait des journalistes qui vous suivaient, il y avait des clips de François Legault, François Legault a fait les débats comme les autres, donc finalement, c'était une campagne. Ben, écoutez, bon, d'abord, alors, prenons l'autobus. Ouais. Il y avait un gros slogan qui était là-dessus, puis c'était une première, hein? Un slogan qui employait directement le nom du chef. C'était une première. Ouais, bon. OK. On a fait un point de presse pour dire ce qu'on ferait pas. Oui. Vous avez déjà vu ça, vous, des gens qui en politique se présentent, voici ce qu'on fera pas. Oui. Il faut le faire, ça, là. C'est là. Vrai que c'est surprenant, ça. Oui, c'est surprenant. Ils font pas. Ah. C'est vrai, vous le ferez pas. Vous avez fait quelque chose. Vous avez fait quelque chose. Honnêtement, on a été le premier à déposer notre cadre financier. Dès le jour 1, voici vers quoi on se dirige, voici notre cadre financier. Nos choix pouvaient prêter à examen, mais personne n'a contesté notre rigueur intellectuelle et financière. OK, alors je vais vous poser la question. Qu'est-ce qui a fait que vous avez commencé si bas et que vous avez réussi à remonter, ben là, j'allais dire si haut, mais plus haut? Plus haut. Ouais. Non, non, mais quand même. Moins bas. Moins bas. Bon, essayons d'être gentils. Mais non, mais pour vrai, là, pour vrai, qu'est-ce qui explique ça? Qu'est-ce qui explique ça? Honnêtement, c'est quand on a été capable de se mettre de côté de l'histoire du référendum, n'auras-tu, n'auras-tu pas, puis après ça, on a pu aborder les sujets qui, nous touchaient le plus. Je ne dis pas qu'on était les meilleurs sujets, mais ce qui était sûr, c'était les sujets qui nous touchaient le plus, puis avec un chef qui était complètement déchaîné. Mais alors là, il n'a pas arrêté jusqu'à la dernière seconde avec son... Comment ça se fait donc que François était... craqué comme ça. Qu'est-ce qu'il a... est-ce que c'était parce qu'il sentait que c'était son champ du cygne, peut-être qu'il a quitté, c'était peut-être sa dernière campagne? Mais c'est vrai, parce qu'on en parlait, si la CAQ s'estompait tranquillement, mais peut-être que François n'aurait pas continué. Ben, honnêtement, c'est sûr qu'au départ, on voyait ça aller. On avait notre plan de match, puis sans rire, là, on n'a pas bronché d'un pas sur notre plan de match. On a ajusté quelques annonces à gauche, à droite, mais rien de plus que ça. Mais notre plan de match, on l'a gardé, puis on n'a pas tenté de plier les genoux pour dire, bon, voilà, ça va pas bien, OK, on va dire tout. Oui, à tout le monde, promis tout le monde va être content. D'impôt, là. Non, si on laisse ça à droite. Ils sont arrivés, d'ailleurs, madame, à la dernière semaine, puis ça avait l'air un peu tôt, puis bon, ça finit tout croche. Bon, mais nous autres, on a gardé notre plan de match, puis on n'a pas bronché. Et on savait qu'au débat, François, il était le bon, puis François, il allait être le meilleur, puis je veux pas faire de la trompette partisane, mais en effet, il a été bon. Ben, il a été divertissant, il n'y a pas de doute, là. Oh, honnêtement. Non, mais c'est vrai. Allons, allons, un peu de rigueur dans votre propos. Divertissant. Mais non, mais c'est vrai, ça a été divertissant, on va se le dire. Mais c'est parce que. Il était bon, il n'était pas divertissant. Mais là, attendez un peu, bon. Je veux dire, ça reste un débat, là. Ouais, ben, bon. Ben, quand même, ben, débat d'idées. Alors, ben, Gérard Dattel. Oui. Avant d'aller voir un bon film au cinéma, là, avec un bon popcorn et passer la soirée à regarder un débat, honnêtement. Ben, moi, c'est le débat, tu sais, ben. J'aime ça. C'est ça. Non, mais j'aime ça. C'est pas une joke. J'écoute encore chez nous le soir le débat de 1962, tu sais, avec Daniel Johnson, non, c'est pas vrai. Chef de l'Union nationale. Dis-moi que c'est pas vrai. Non, c'est très sérieux. Ah oui? Oui, quand M. Johnson, il est là, puis il enlève ses lunettes, puis il met ses lunettes, puis il enlève ses lunettes, puis là, il y a un journaliste, un dénommé Pelletier, puis il dit, vous, c'est vous les journalistes qui avaient un problème. C'était pas fort, mais c'est extraordinaire. Bon, ben, Dieu, oui. Mais oui, mais même chose avec le fameux débat de 1960 avec John Kennedy et Richard Nixon. On va se faire une soirée. Nixon avait gagné le débat à la radio. Oui. Mais le problème, c'est parce qu'il passait à TV. Ben, il passait moins bien à TV. Il y a un petit peu, oui, c'est non, ça. Il y avait chaud. Puis l'autre Kennedy, il sortait d'une promenade à partout. Il avait passé une semaine en Californie. Puis il était bronzé. Beau. Puis... Il était beau. Ça se peut. Bon, OK. Ben, vous restez avec nous, parce que tout à l'heure, on va jaser avec la nouvelle députée de Québec solidaire, Manon Massé. Alors, mais vous bougez pas de là? Non, OK, parfait. Hey, la défaite du PQ devrait profiter aux autres partis, mais aussi à tous ceux qui cherchent des aubaines. On écoute notre ami Serge Quelque Chose. Salut, c'est Serge Quelque Chose, en direct de la grande vente de fermeture du Parti québécois. Eh, hey, oh, ben oui, faut qu'on déménage dans un plus petit local, alors on se débarrasse de nos vieilles reliques. Et ça, on en a à des prix presque aussi ridicules que la stratégie du PQ aux dernières élections. D'abord, on a des sculptures de points levés de PKP en début de campagne. Elles ont été confectionnées par un artisan de la région de Saint-Jérôme. C'est l'objet idéal à sortir dans une réception pour faire fuir la visite. C'est 10$ le doigt, mais si vous êtes syndiqué, c'est 20$ pour le majeur seulement. On a également des lampes Jean-François Lisée. Elles sont très brillantes, mais assez cassantes. Faut faire attention, c'est fragile. On les laisse aller pour 30$. On a ici un objet de collection, le discours de victoire de Pauline Marois. Il n'a jamais servi. On le laisse aller pour 40$, mais si vous dites Claude Blanchet au moment de payer, il vous coûtera 60$. C'est un nouveau genre de promotion, on essaye ça jusqu'à 21h. Ah, on vous offre pour des pinottes un lot de chemises déchirées, très très populaire chez les péquistes. Ça peut servir pour se faire aérer le tout bras, mais surtout pour s'astiner sur des niaiseries, on vous en offre 3 pour 10$. On a ici un magnifique crachoir de marque Jacques Parizeau. Il a été très utilisé, mais peut servir encore quand votre belle-mère vient vous visiter. Pour un temps extrêmement limité, on vous offre pour une bouchée de pain un recueil de poésie dédicacé par Pierre Duchesne. Certains poèmes sont manquants, mais Pierre Duchesne sera également manquant, fait que ça s'annule. Pour les connaisseurs, on a également des figurines de Bernard Drainville sur un crucifix. Elles sont très détaillées. C'est vraiment un vrai miracle. Elles suintent comme Bernard. Elles sont pleines d'épines. C'est vraiment comme lui. Alors venez nous voir. On est là tout le week-end à la permanence du PQ. Je le sais que ça fait drôle de dire permanence et PQ dans la même phrase. Mais justement, ça achève. Profitez-en. La grande vente de fermeture du Parti québécois. Parce que vous aussi, vous pourrez dire « Je m'en souviens ». Ah là là! Ce que c'est comique tout ça, n'est-ce pas? Boy, je suis pas sûr que tout le monde rit, là, mais bon. On va aller jouer. Oui, moi, oui. Jean-Sébastien Girard, bonsoir. Bonsoir, Jean-Philippe, comment allez-vous? Ah, ben ça va pas pire. Ben voilà, alors toujours en direct de Laval des Rapides, dans l'ex-bureau de l'ex-député Léo Bureau-Blouin. Léo, bonjour mon petit bonhomme. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va plutôt bien dans les circonstances, on regarde vers l'avant. Ouais, parce que la vie est tellement cruelle. Je veux dire, on est en train de faire tes boîtes, de vider ton bureau, de ranger tes Lego, tes petits... Très sincèrement, Léo, je t'avoue que j'ai un petit peu le cœur brisé de te voir partir comme ça. Je trouve que t'as joué ton rôle de député avec beaucoup de générosité. T'as gentiment et généreusement scrappé 18 mois de ta vie, de ta prime jeunesse, à jouer aux poches puis au bingo dans les clubs optimistes de Laval. Mais surtout, Léo, t'as donné 25% de ton salaire aux nécessiteux de ta circonscription. Et là, c'est même Guinée Youla, t'as même pas réélu. Je veux dire, comme disait ma grand-mère, donne à manger à un cochon puis viens chier sur ton perron, hein, Léo? C'est un grand honneur de représenter l'histoire de la circonscription dans les 18 derniers mois. J'ai juste une déception. J'ai pas pu finir ma réplique Lego de l'Assemblée nationale. Ça viendra. Cela étant, je vois effectivement que t'as pas de regrets, Léo. 18 mois en politique, c'est une école de la vie. Et au fil des jours, on t'a vu devenir un homme sous nos yeux. Ta pensée a changé, s'est enrichie. C'est très touchant à observer. Par exemple, le 22 juillet 2012, t'as dit « Je vais défendre le gel des frais de scolarité ». Le 22 décembre 2012, t'as dit « Je crois toujours au gel, mais je suis pas dogmatique ». Et là, le 2 février 2013, t'as dit « Je suis en faveur de l'indexation ». Je veux dire, c'est vraiment inspirant, une belle pensée en mouvement comme ça, Léo. Bien sûr, la politique, c'est des compromis, mais malgré tout, j'aurais souhaité bien sûr qu'on puisse aller plus loin, mais il y a 1 400 $ de différence entre ce que les étudiants auraient payé sous les libéraux, ce qu'ils vont payer maintenant, 50 000 étudiants supplémentaires qui ont accès aux prêts des bourses. Et ça, je pense qu'on peut pas nous l'enlever. Léo, maintenant, on va évidemment parler de ton avenir. Ce qu'on veut savoir, est-ce que là, tu vas prendre maintenant ce temps-là pour compléter tes études dans des cours du soir aux adultes, ou est-ce que tu t'en vas directement dans une résidence de Élie Savoie? Je me concentre sur mes études. Je poursuis un baccalauréat en droit à l'Université Laval. Donc, pour moi, ça va être l'occasion d'étudier puis de participer au party comme tout le monde. Pas tout de suite. Vous écoutez La soirée est encore jeune sur les ondes de Ici Radio-Canada Première, une émission qui souhaite bonne chance aux stratèges du PQ pour se retrouver du travail dans leur domaine. C'est assez comique, ça, Fred. Oui, permettez-moi de faire ce que peu de chroniqueurs ont fait cette semaine. C'est-à-dire revenir sur la défaite du PQ, décortiquer le pourquoi du comment une telle chose a pu arriver si brutalement à un gouvernement sortant. Je sais, quand on lit la presse, on a l'impression que le PQ est un parti voué à disparaître. Hein, Lisiane Gagnon va même jusqu'à dire que l'idée même de l'indépendance n'est plus pertinente, elle n'intéresse plus personne et qu'on devrait l'enterrer. On croirait qu'elle parle d'elle-même, mais non. Elle parle bien de la souveraineté du Québec, mais avouons qu'il n'y aurait pas que des désavantages à voir le PQ disparaître. Au moins, nous n'aurions plus ces infâmes publicités où les aubergines chantent pour nous rappeler de manger québécois, alors que les Québécois se mangent très bien entre eux sans qu'on ait à leur rappeler. On peut espérer donc que sous les libéraux, il n'y aura pas de ce genre de publicité, et c'est une excellente chose, puisqu'à la lumière de ce qu'on entend encore à la Commission Charbonneau, les aubergines libérales épongeraient 30% plus d'huile d'olive, car on le sait maintenant, le graissage, ils s'y connaissent au PLQ. Évidemment, certains vont dire que l'idée d'indépendance ne disparaîtra jamais, mais on va se le dire, on ne se le souhaite pas, puisque l'idée d'indépendance est vraiment une idée idiote, hein? Peu de pays dans le monde y ont pensé, et n'ayons pas peur des mots, le Canada est un magnifique pays, mais il vaut mieux être prévoyant. On ne sait jamais si les conservateurs conservent le pouvoir encore longtemps. Il se peut qu'ils poursuivent leur démolition du Canada à un point tel qu'il n'en restera rien, et nous n'aurons d'autre choix que de créer un pays du Québec, puisque veut pas, il faudra bien vivre quelque part, verra. Alors, je propose des pistes de réflexion pour que les péquistes renouvellent un peu le discours souverainiste, parce que si j'étais indépendantiste, hein, si j'étais, je serais très inquiet que Québec solidaire en soit les seuls dépositaires, puisque nous savons très bien que QS est une créature du fédéral pour diviser le vote souverainiste. Et je tiens à rappeler que j'ai la feuille d'érable tatouée sur le cœur, surtout pendant le temps des sucres. Et l'idée qu'on puisse briser le Canada me répugne autant que d'embrasser une Canadienne anglaise, si vous dire comment je suis répugné. Première piste de réflexion. Ne plus jamais demander à Jeannette Bertrand quoi que ce soit. Madame Bertrand a fait de grandes choses avec un grand C et un grand A, mais du haut de son âge vénérable, je pense qu'on devrait respecter son désir de prendre un peu de repos et cesser de l'importuner pour se prononcer sur des sujets sensibles comme le grugeage de M. Bazané. Deuxième piste de réflexion. Ouais. S'entourer de stratèges qui ont déjà parlé à des vraies personnes et cesser de recruter des génies dans la faculté de sciences politiques de l'UQAM où on trouve de plus en plus de seringues usagées. C'est vrai, on troisième piste de réflexion, ne jamais plus faire appel à un metteur en scène qui a fait un remake québécois de Roméo et Juliette et dans les deux cas, ça finit bien mal. Quatrième piste de réflexion, s'ouvrir aux langues étrangères, dont l'anglais. Ce serait déjà un début, puisqu'à Montréal, seulement 62% des gens n'ont pas voté pour le PQ et la plupart du temps, ils n'ont pas voté dans une autre langue que le français. L'anglais n'est plus l'ennemi, même quand il s'appelle Jeremy Searle. Pour ceux qui l'ignorent, Jeremy Searle est un conseiller municipal de l'arrondissement Côte-des-Neiges qui a déclaré à ses commettants mardi soir, et je cite, « Vous bénéficierez de 4 ou 5 années sans la présence écrasante des séparatistes qui tentent de détruire notre économie et notre mode de vie. Peut-être que dans 10 ans, nous pourrons éradiquer le mouvement séparatiste un peu comme on souhaite le faire avec la grille du Frêne qui fait cependant moins de dégâts que les séparatistes. Si le PQ était un petit peu plus ouvert à l'anglais, il pourrait au moins rétorquer à M. Searle dans sa propre langue « Shut the fuck up ». Voyez comment l'ouverture aux autres permet le dialogue. En terminant, je suggère au PQ de ne pas trop se casser les méninges pour renouveler son discours politique parce que qu'ils prennent plutôt exemple sur le PLQ qui n'a eu qu'à jouer sur la peur pour obtenir une majorité de sièges. Et des sièges, on n'en a jamais de trop pour s'asseoir sur un peuple qui refuse de se tenir debout. Car si le PQ avait réellement voulu identifier une valeur moderne des Québécois, c'est la peur qu'il aurait trouvée et on n'a pas besoin d'une charte pour lever le voile là-dessus. Oh, mon Dieu! Ben, je comprends pas tout ce que vous venez de dire. Vous écouterez la balado. Ouais. C'est trop intellectuel pour moi, franchement. Là. Vous seriez pas élu si vous présentiez. On va les rejoindre Jean-Sébastien Girard. Jean-Sébastien? Toujours avec le petit Léo Bureau-Blou, hein, comme vous le savez, Jean-Philippe. Léo, campagne difficile pour le PQ, mon canard. Déjà, votre équipe, vous commencez à bâcher un petit peu publiquement sur votre chef. Mais moi, j'aimerais savoir, dites-moi vraiment, Léo, qu'est-ce que tu pensais de ça, toi, la charte? Est-ce que vraiment t'as peur de ça, le grugeage? Est-ce que, par exemple, t'as l'impression que la communauté maghrébine est en train de prendre le contrôle de Laval des Rapides depuis que t'es parti? Moi, je pense que c'est pour ça qu'on est des balis. La laïcité, c'est un sujet qui est difficile. Je pense qu'on a eu le courage de l'aborder. Maintenant, pour avoir une réflexion, je pense qu'il y a un signal clair qui nous a été envoyé dans l'électorat. Pour revenir sur la façon dont Mme Bertrand l'avait abordé, je pense que c'est un sujet qui est sensible et qu'il faut aborder d'une manière attentionnée. Il faut faire attention aux mots qu'on utilise. Et je pense que c'est là qu'on n'a pas fait attention. Mais parlons-en de Mme Bertrand. Il y a cette clip sur YouTube qui circule sur le grugeage qui est devenu déjà une espèce de vidéo culte. Mais ce qui est intéressant, je ne sais pas si les gens ont remarqué, mais Léo, on vous voit, vous, en bas, à droite de l'écran. Oui. Et vous semblez vraiment découragé. On a envie de vous prendre dans nos bras, Léo. Moi, je veux savoir qu'est-ce qui se passait exactement dans ta tête à ce moment-là. Comme je disais, c'est un sujet qui est difficile, qui est sensible, et je pense qu'il faut aborder ça. Il faut faire attention quand on parle de ce sujet-là. Donc, là, je trouve que je fais attention dans ces propos-là. Et vous avez l'air aussi inconfortable qu'à ce moment-là, je suis envie encore de vous prendre dans mes bras. Alors, vous souhaite beaucoup de chance à l'Assemblée nationale. Ah non, vous ne serez pas là à l'Assemblée nationale. C'est dommage. Alors... Mon Dieu, faites sortir le public. Alors, merci. Hein? Alors maintenant, c'est au tour du public de te poser des questions. Alors, cher public, si vous avez des questions et non des injures, envoyez à Léo. Vous pouvez le faire en nous écrivant à lasoirée@radio-canada.ca. On vous retrouve avec les questions dans une vingtaine de minutes. Merci beaucoup, Jean-Sébastien. À tout de suite. Aïe, aïe. C'est une habitude que je leur remercie. Je ne sais pas pourquoi. Ah, ouais. C'est parce que je suis poli, en fait. C'est la politesse, parce qu'autrement, Notre deuxième invité, Fred. Oui. Elle fera son entrée à l'Assemblée nationale après 5 tentatives. Elle mérite une invitation officielle dans notre studio. Accueillons la nouvelle députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques, Mme Manon Massé! Yes! Manon! Jean-Philippe! Comment ça va? Wow! Hey! En plus! Assoyez-vous! Juste vous dire qu'on vient d'avoir la nouvelle. Paraît-il qu'on ne contestera pas l'élection, on n'ira pas en recomptage. Vous êtes confirmé comme député de Sainte-Marie-Saint-Jean. Yes! Bon. Là, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de vos partisans qui sont dans la salle. Ben oui. Ben, demandez-les. Combien ont voté Québec solidaire dernière élection? Trois, quatre. 5. Gérard Deltel lève la main aussi. Ouais. je veux savoir combien on vote CAQ. À combien ici? On vote CAQ? 5, 6, 7, 2, 3, 4. Ah bon! Arrête ça. C'est quasiment égal. OK. À peu près. Manon, on attend les remerciements. Honnêtement, à la soirée, parce que ça fait quand même 4 fois qu'on vous reçoit. C'est vrai, dit, c'est juste. À un moment donné, je veux dire, quand on gagne par 91 votes, on se dit, il y a quasiment 91 personnes dans le public, calculez ça comme vous voulez. Ouais, mais il a peut-être voté pour moi. Mais effectivement, je dis merci à l'émission. Pourquoi? Parce que généralement, c'était toujours avec Jean-Sébastien. Et là, je suis sur... La vraie émission. Oui, oui, non, c'est vrai, parce que pendant 3 fois, vous avez été avec le petit reporter qui fait des drôleries, ça. Là. Ouais. Mais à un moment donné, quand vous venez sérieuse, puis là, vous l'êtes, vous êtes députée, je voulais que je vous dise, on peut vous recevoir dans la vraie émission. OK, c'est ça qui est arrivé. Ben, comme vous voyez, hein, Léo Bureau-Blouin, on l'a reçu quand il était vraiment un député. Ouais. Et puis là, ben voilà, il était avec Jean-Sébastien. Non, mais je suis désolé, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Pour début, d'ailleurs, il y a d'autres exemples. Gabriel Nadeau-Dubois est venu aussi au début, quand il y avait des manifestations. Après ça, depuis ce temps-là, ben, il est au téléphone même, des fois. Il n'a pas été élu, lui non plus. Hein? Non, mon Dieu, il n'est pas passé. Mais toujours est-il que 91 votes, là. Oui, c'est serré. C'est pas beaucoup, hein. C'est serré. Surtout qu'on l'a appris bien, bien tard. Je ne sais pas si vous aviez fermé votre télé, là. Ah, moi, je commençais à essayer de la fermer à mienne, là. Ah, ouais, hein. Parce que c'est stressant. Vous l'avez après à quelle heure? Une heure moins quart. Ah, mon Dieu, c'est tard. Hein? Ah, non, c'est vraiment tard quand ça fait 4 heures que tu es comme ça dans le char. Moi, j'attendais de voir si Mme Marois allait perdre dans son comté, puis une fois que c'était fait, j'ai fermé ma télé. Tu t'es couché! Ben, t'as pas entendu mon résultat? T'as même pas? Vous mieux. Ah, là, je suis là, bon, okay. On travaille, hein? On a des jobs, nous. Je veux dire, on milite pas les soirs de semaine. Mais 91 votes, c'est serré, mais je m'en dis parce que Gérard Deltel gagne souvent, je dirais, depuis le début de sa première candidature avec des marges assez astronomiques. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, Gérard, de gagner par une si petite marge? Ma petite marge, ça a été 2800, je pense. Ah! C'est ça. Là, c'est 9800. Ah! Tellement arrogant! C'est pour montrer à Mme Massé qu'il y a toujours de l'espoir. Non, ça, c'est vrai. Non, mais quand même. Je n'avais pas besoin, je le savais. Mais tranquillement. Ça fait 8 ans que je suis là. Mais après 5 fois, vous êtes une persévérante dans le monde de la politique, quand même. C'est... Vous n'êtes pas dit comme. Après 4 fois, là, ben, je pense que je passe pas. Qu'est-ce que vous voulez vous dire? Non, j'ai pas pensé ça parce que, tu sais, faire changer le Québec, de permettre aux Québécois et Québécoises d'espérer, de vivre dans le positif, de vivre dans des bonnes idées, ben ça prend du temps. N'empêche que les résultats dans Sainte-Marie-Saint-Jean ont été surprenants parce que non seulement vous avez gagné, mais la troisième position appartient à Daniel Breton, le député sortant. Ouais, ça, on s'attendait pas à ça. Pas nous autres. Je ne sais pas vous autres, là, mais nous autres, absolument pas. De voir les libéraux arriver que ben oui, tout aussi à fait. Près, c'était un peu impressionnant. À voir ça, on aurait invité la deuxième, la Alton Krantush. Non, mais. Avec Lisco, franchement. Oui, ben c'est ça, mais j'ai pas son nom. Il y avait assez de pancartes sur René Lévesque. Non, mais j'ai pas son nom. Mais pour 91 votes, si on l'avait invité, elle aurait peut-être passé. Mais l'impact qu'on peut avoir, cette émission. Oui, c'est vrai, mais je te ferai remarquer, tu m'invites après que finalement, le dépouillement judiciaire. Il faut aller à la représentativité. Et Jean-Sébastien est très ouvert à l'aide publique et il a un grand cœur aussi. Ce qui m'a impressionné, c'est que Daniel Breton a été assez dur à votre égard. Pendant la campagne, il vous a accusé de mentir sur l'environnement. D'ailleurs, je le cite, « Ce que j'ai trouvé déplorable de Québec solidaire dans le dossier de l'environnement et du pétrole, ils ont... Mon Dieu, vous le citez, on dirait que c'est lui. Fait sa sieste. C'est une petite blague. Mais, la critique qu'il fait, c'est que vous mentez parce que vous avez des projets un peu farfelus. Et c'est une critique que Gérard Deltel aussi formule sur le Québec solidaire. Ce sont des idées qui ne sont pas applicables. Oui, ben c'est là-dessus que le monde se trompe. Mais c'est intéressant. Mais sérieusement, les gens qui ont pris la peine de regarder, non pas d'écouter ce que les adversaires politiques disaient, mais de regarder ce qu'on avait à proposer, à mettre de l'avant, je pense que ces gens-là Bon, des fois, ils étaient piégés à être obligés de voter contre quelqu'un. Ouais. Mais les gens qui ont écouté leur tête et leur cœur ont voté Québec solidaire. Mais parce qu'il reste de même. Non. Ben, regarde la preuve. Hey, ça applaudit fort, c'est une personne. Hein? Ouais. Ils ont pacté le public. Oh, ouais. Je vous le dis, hein, on va vérifier les gens qui s'assoient ici. Oui, cartez-la. Cartez-la à la carte. En tout cas, ça réagissait pas de même tantôt quand je parlais. Non, hein. Ah, non, mais quand même, ça réagit. Mais en tout cas, ça a beaucoup ri quand on riait du PQ. Oui. Fait que je sais pas comment prendre ça. Mais il demeure que les idées de Québec solidaire sont parfois un peu extrémistes. Non. Mais extrémistes, il y a plusieurs analystes quand même qui vont analyser votre plan et qui vont se dire « Ouais, ben là, c'est un petit peu difficile à appliquer, cette patente-là, dans un système, dans le système absolument. Actuel. » Absolument. Si on bouge à rien, là, c'est sûr que si on bouge à rien... C'est dans le mur qu'on s'en va, puis les Québécois et les Québécoises le savent. Vous savez, le Parti libéral, Philippe Couillard, en fait, dans son discours de victoire, a parlé de collaboration. Ça, c'est intéressant, ça. Est-ce que vous pensez vraiment qu'il y a une collaboration possible entre le PLQ, Québec solidaire et la CAQ? Est-ce que ça se peut, ça, une discussion? Bien, c'est clair. On l'a fait, par exemple, sur le projet Mourir dans la dignité. Ouais. Il y en a juste un projet comme ça, ou est-ce que c'est... Non, mais c'est parce qu'à chaque fois qu'on parle de projet commun, on vient avec celui-là, puis la manière, je dis, il n'est même pas encore passé. Oui, mais j'espère qu'il va passer. Là. Ça, c'est, je pense que c'est quelque chose sur lequel les parlementaires qui étaient là avant et ceux et celles qui, comme moi, arrivent, on va revenir bien vite aux libéraux là-dessus, mais je pense pas qu'il devrait y avoir de problème. Sur toute la question de la politique de lutte à l'homophobie, j'ai pas de crainte que le Parti libéral, même si on tord juste un petit peu l'oreille, va revenir avec ça. Je pense que quand les parlementaires, c'est le même que Françoise et Amir ont toujours travaillé depuis le début, quand les idées qui sont mises de l'avant prennent soin du monde puis vont dans le sens de protéger l'environnement, Québec solidaire va s'y allier et qu'elles viennent de n'importe où. Mais Anticosti, il n'y en est pas question. Le plan Nord, on veut des explications. C'est grave. Le monde doit comprendre qu'on s'en va dans un mur. Mais attendez, le plan Nord, on veut des explications. C'est assez clair, le plan Nord. Ah oui, c'est pas au sud, hein? Le nord, c'est au sud. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ça me semble assez clair. Ouais. Là, on a donné des explications. C'est long pour rien. C'est pour ça que ça se passait comme ça au printemps. Ben oui, exactement. Voilà. Trop d'explications. On parlait du pourcentage de vote avec Gérard Deltel tout à l'heure. Gérard Deltel et la CAQ ont perdu un peu de points de pourcentage. Québec solidaire n'a pas gagné beaucoup. Non. On analyse ça comment? C'est fascinant. C'est pour ça qu'il faut parler du mode de scrutin. J'espère que les Québécois et Québécoises, on va réaliser qu'on se fait fourrer avec le mode actuel. Ils ont perdu 200 000 votes. Ils ont... Quatre députés de plus. En fait, c'est trois, parce qu'il y en a perdu un. Trois ou quatre. Non, mais quand même, le recomptage. Non, je sais, mais c'est trois. On va faire un recomptage là-dessus. Oui. Mais nous, on a eu 60 000 votes de plus, puis on a juste une députée de plus. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Et c'est ça qu'il faut changer, parce que le monde sont écœurés de voter puis de perdre le vote quand la personne dans le comté n'est pas élue. Ça n'a pas de bon sens, ça. Vous en pensez quoi, vous autres? Quelle vingt! C'est pas tout le monde qui applaudit, hein? Non, je remarque. OK, bon, parfait. Probablement qu'ils ont gagné leur élection. Ouais, non, mais c'est parce que... Dans mon comté, d'ailleurs. Ouais. 91. C'est le plus bruyant qui a gagné ces élections, fait qu'on le sait dans le public. Ah, ils n'ont pas gagné. Mais j'entendais tout à l'heure, je vous entendais tout à l'heure dire Québécois, Québéquoise. Est-ce que c'est maintenant un prérequis quand on est élu de dire Québécois, Québéquoise? Non, ben c'est parce c'est que... long, hein? Si on peut pas dire Québécois-ES, ça serait pas vraiment pas beau. Mais on peut pas juste raccourcir ça? Ben OK, Québécoise. Ah. C'est sûr que dans l'émission... Les gens applaudissent à ça, franchement. Non, mais dans l'émission ici, c'est sûr que de s'affirmer comme femme, c'est quelque chose, là. Tu sais, t'as une émission de petit gars. Non, t'as une émission de petit gars, voyons. On n'est pas fermé du tout. Non, ouais, du tout. C'est juste qu'il n'y a plus de place. On le sait. À un moment donné, on veut bien... qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Mais là, Manon? Oui? On sait que vous vous habillez encore dans les friperies et que vous allez toujours vous habiller dans les friperies. Non, mais j'ai lu ça aujourd'hui et je me disais, mon Dieu, allez-vous arriver avec du linge de friperie à l'Assemblée nationale? Ben, fort probablement. Les chances sont élevées. Quand est-ce qu'on va vous voir à l'Assemblée nationale? Gérard Deltel, est-ce qu'on a une petite idée quand est-ce que ça va venir? Je pense que ça va être à la mi-mai. Ouais, c'est le premier ministre, évidemment, qui a le contrôle de l'agenda politique. Il va falloir qu'il assermente ses gens. Ouais. Oh, si je me fie à ce qu'on a entendu aujourd'hui à la commission Charbonneau, je ne sais pas si tout le monde va être assermenté. Après ça... Franchement! Après ça, il va composer son conseil des ministres. Il faut quand même donner du temps aux ministres pour connaître leur dossier, 3-4 semaines, parce que ce serait burlesque de les amener tout de suite en chambre. Ben ils ne savent pas de quoi ils parlent. Puis l'autre, on rit d'eux autres, c'est peut-être drôle, mais c'est pas... Vous le faites même quand ils connaissent le dossier. Bon, là, chicanez-vous pas! Vous allez voir, on prend vite les trucs. Arrêtez de vous chicaner, là. Vous avez le temps en masse. Merci beaucoup, Manon, d'être venue nous voir. Merci, gang. Vous restez avec nous. Ce n'est qu'un début, bien sûr. Vous allez venir nous voir. Ben, tant que vous êtes élu, hein. J'ai le droit. Greg Savard, notre prochain chroniqueur. Non, lui, il ne coupe pas dans le gras. Il nous le fait plutôt écouter. Voici la chronique d'Olivier Niquette. Eh bien, afin de laisser les gens aller voter en toute quiétude, Benoît Dutrisac a slacké un peu lundi sur sa couverture des élections pour discuter de la pertinence d'imposer un bracelet GPS aux pédophiles récidivistes. Ah, voilà. Une solution qu'il ne privilégie toutefois pas. Puis même si c'est un bracelet, là, ça s'enlève, puis ils peuvent inviter les enfants chez eux. C'est pas un bracelet que ça prend, c'est un cock ring qui explose. Bon, c'est un peu radical, mais j'avoue que ça les aiderait à se tenir droit, là. Ben, pas trop droit, là, pour pas que ça explose, mais en tout cas. De son côté, Sylvain Bouchard de Cogeco à Québec a aussi longuement abordé la question, privilégiant la prévention plutôt que la coercition en se basant sur un cas bien connu. Je suis loin d'être un expert. Hey, ma seule référence, vous allez rire de moi, mais je m'en sac, c'est le personnage de Pierre Curzi dans Virginie. Bazinet? Ouais. Bazinet? Il avait des tendances, mais il a jamais passé à l'acte. Quoi? Tu sais, des fois, là, quand t'es pas un expert, c'est peut-être mieux de juste pas te prononcer sur des sujets sensibles. J'ai appris ça dans l'émission Trauma. Parlant de Pierre Curzi, il est parmi les nombreux souverainistes défaits par la défaite du PQ. Une situation historique qu'on n'a pas vue depuis André Boisclair, peut-être? On est dans une situation historique qu'on n'a pas vue depuis... extrêmement longtemps. En fait, ce qui m'est venu comme image, je me suis dit, Lord Durham doit sourire actuellement dans sa tombe. Eh oui, comme l'a si bien dit Lord Durham, nous sommes un peuple ignare, rétrograde, qui devrait suivre la politique plutôt que d'écouter la voix. Me semble que c'est ça qu'il dit. Pire encore, selon Gilles Proulx, l'élection de Philippe Couillard ouvre toute grande la porte aux papiers de toilette ostentatoires. Pardon? Vous vouliez plus de signes religieux, je pense pas qu'il va... Non, les rouleaux de papier de toilette sur la tête, ça va être permis. Les rouleaux de papier de toilette, la police aussi, puisque je suis là, il banderole. Envoyez donc. Malheureusement pour M. Proulx, le papier de toilette sur la tête, les électeurs s'entorchent. Je devrais pas parler comme ça, je sais. La campagne a connu trop d'écarts de langage. Les insultes ont fusé de toutes parts et même Jean Lapierre en a été victime sur les réseaux sociaux. Moi, j'en mets pas de bêtises et j'en accepte pas. Et c'est pour ça... À cause de l'anonymat, souvent sur les médias sociaux, oui. Dans bien des cas, là, c'est des frustrés, des malades mentaux. Oh, oui. Jean Lapierre a de la classe. Lui, il ne répond jamais à ceux qui l'insultent sur Twitter. Il les traite plutôt de malades mentaux à la radio. D'autre part, Denis Gravel de Radio X a avoué cette semaine qu'il était un souverainiste mou, dans le sens qu'il reste mou en écoutant du Paul Piché. Je suis pas un souverainiste ou un séparatiste, Jérôme, qui se promène avec un chandail des Patriotes puis qui se masturbe à Saint-Jean-Baptiste pendant que Paul Piché chante qu'il n'y a pas grand-chose dans le ciel. Ce que tu veux dire. Moi, je partage pas ton opinion sur la séparation. Quoi qu'il arrive. Non, moi, je suis Canadien. Mon pays, c'est le Canada. T'as quand même voté oui à un référendum, ce que je n'ai pas fait. En 80, ben, tu t'avais pas l'âge. Pour ça, t'aurais voté oui, d'après moi. Je pense que je l'avais. Ah ouais, pourquoi je t'allais voter? Puis, t'as voté non? J'ai voté non. Or, selon mes calculs et ceux des auditeurs de Denis, ce dernier avait 17 ans au moment du référendum. Oups! Ils ont calculé quel âge t'avais précisément. Ils ont, raison. Ce qui est arrivé, c'est en plein ça. C'est que j'étais avec du monde plus vieux, puis ils sont tous allés voter, puis pas moi. C'est correct, Denis. Ça m'arrive, moi aussi, des fois, de me confondre avec quelqu'un d'autre. Et vous aussi, Jean-Philippe, des fois, vous vous prenez pour quelqu'un d'autre? Oui, constamment. D'autre part, plusieurs candidats défaits ont questionné l'influence des radios de Québec sur la campagne, ce que Joanne Marcotte de Radio X a tenu à dénoncer. Si vous pensez deux secondes que Joanne Marcotte ou qu'un Éric Duhaime ou qu'un vous ou qu'un peu importe qui aurait pu influencer le vote d'hier, là, ça fait longtemps là, que ceux qui bloguent, qui chroniquent, qui analysent sont désillusionnés par rapport à leur pouvoir d'influence. C'était d'ailleurs le discours de la plupart des animateurs et je dois dire que j'avais rarement vu des gens assurer avec autant d'ardeur qu'ils ne servaient absolument à rien. Un beau moment de lucidité. Et dans le même ordre d'idée, terminons avec Claude Roy, ancien député de l'ADQ, devenu chauffeur d'autobus de la CAQ, c'est pas une joke, qui était plutôt content du résultat des dernières élections. De voir le PQ s'en aller dans le cours des petits, je jouissais déjà. Et quand Pauline était battue, il fallait que je me mette une couche, parce que c'est sûr que là, je suis... un éjaculateur précoce. Éjaculé dans une couche à cause d'une femme battue. Je vous laisse sur cette image troublante et on se reparle la semaine prochaine. Merci beaucoup, Olivier Niquette. Étiez-vous présent, Gérard, lors de... j'ai assisté au conducteur. Ouais, je l'ai vu conduire. Ah, okay, c'est arrêté là. On s'en parlera à micro fermé tout à l'heure. Évidemment, Jean-Étienne Heu du Radiovision a certainement des choses à dire sur le résultat de la dernière campagne et on l'écoute avec plaisir. Vous écoutez le 14-30 AM, Jean-Étienne au microphone accompagné de Gladys derrière la console, presque aussi brinque-ballante que le Parti québécois au lendemain des élections de lundi. Sauf qu'au moins notre console diffuse un message clair. Ça, c'est pas le cas. Mais bon, à tout seigneur, tout honneur, j'aimerais quand même féliciter Makakoto qui a été réélu dans sa circonscription de Bouger, se tenant debout tel un sphinx de la savane qui renaît malgré la déconfiture de son parti. Je ne voudrais pas trop m'avancer sur les raisons de cette volée de bois vert qu'a reçu le parti Pauline Marois, mais je peux me permettre de suggérer humblement une idée pour la prochaine course à la chefferie. Car il faut être aveugle pour ne pas tirer des conclusions des derniers résultats de cette campagne lamentable. Les Québécois ont préféré un parti nommé quotidiennement à la commission Charbonneau. Un parti qui trempe dans des contrats douteux depuis longtemps. Un parti qui semble vouloir ramper devant Ottawa tel un lézard sur des pierres brûlantes. Un parti qui a un chef qui met ses avoirs à l'île de Jersey. Les Québécois se comportent comme des citoyens d'une république de bananes. Arrêtez d'aller en vacances à Cuba, là. Ça vous donne des idées. Les maudits tout inclus. Le PQ devrait donc mettre à sa tête un chef noir. Pourquoi pas Makakoto? Makakoto, pas vaudou. Ils ont mis un homosexuel, pas fonctionné. Ils ont mis une femme, pas fonctionné. Leur dernière chance, c'est un noir. Ils n'ont rien à faire. Comme le dit la sagesse créole, c'est les camprins diffés. Au con, combien coco qui tend la dent. C'est lorsqu'une maison brûle qu'on sait combien il y avait d'handicapés à l'intérieur. On dirait Jean-François Lisée créole. On comprend pas, mais ça sonne bien. C'est vrai? Jean-Sébastien? Jean-Philippe, tout le monde à Laval? Oui, tout le monde à Laval est rapide. Et puis on croule sous les courriels pour le petit Léo. Je commence, Léo, avec ce premier courriel qui va comme suit. Bonjour Léo, est-ce que toi aussi, malgré ton jeune âge, tu pourrais participer à la course à la chefferie du Parti québécois? Intéressant. Est-ce que tu serais un bon candidat ou parce que le PQ est en train de devenir un parti de vieux, tu penses qu'on devrait favoriser un candidat qui incarne la jeunesse? Pas dans mes plans, cher auditeur, de participer à la course à la chefferie. Je vais vraiment me concentrer sur mes études. Prenez pour qui, vous, parmi les trois humoristes qu'on a vus sur scène? J'ai pas fait mes choix, on verra quand les candidats seront officiels. Alors maintenant, on va avec un deuxième courriel qui va comme suit. Comme je suis triste pour toi, mon lapin, vraiment, tu ne méritais pas ça. J'avais beaucoup de respect pour toi et pour Martine. Tous les deux, vous incarniez l'espoir, l'intégrité et la cohérence. PS, c'est une joke et c'est signé Gabriel N. Cher Gabriel, lorsque tu te présenteras pour Québec solidaire, je m'en souviendrai. Oh! Ouch! Ouch! Troisième et dernier courriel. Oh! Hey Léo, il est présentement 8h moins quart, veux-tu rentrer à la maison? Et c'est signé Maman Bureau. Alors, évidemment, je voudrais pas te poser préjudice, je vais te laisser filer immédiatement à la maison. Mais avant tout, merci beaucoup de t'être prêté au jeu encore une fois, Léo. Et perds pas espoir des jeunes en politique qui se sont recyclés. Il y en a plein pour t'inspirer. Pense à André Boisclair et à Mario Dumont. Merci à vous. Bonne soirée. Merci Léo. Fred, notre dernier chroniqueur. Notre correspondant parlementaire nous explique ce qu'est le grand bonheur d'un gouvernement libéral majoritaire. Voici la chronique de Jean-Philippe Cipriani. Bon. Hey, Monsieur Cipriani. Monsieur Vautier, bonsoir. Vous avez passé un beau scrutin? Pas mal, vous? Hey, surpris des résultats? Ben... Comment dire, dans tous les sondages, ouais. On demandait aux Québécois c'était quoi leur priorité. Uh-huh. Tout le monde disait on veut voir un médecin. Alors je pense que là, c'est chose faite. Comme j'ai lu sur Twitter d'ailleurs lundi, qui va à la charte perd sa place. J'ai lu. J'ajouterais que qui revient reprend vos biens. Je comprends quand même qu'au PQ, on a des députés dépités. Hein? Il y a beaucoup d'anciens de Radio-Canada qui croyaient échapper aux compressions en se présentant en politique. Évidemment, c'est pas le cas. Ah, c'est pas drôle. Mais évidemment, on devrait assister à 4 ans de déchirement assez intéressant au sein du PQ. Ça va être le fun hein, pour aboutir à une éventuelle affirmation nationale ou gouvernance souverainiste qui va porter un autre nom, qui va mécontenter tout le monde. Et ça va permettre à Locolocas de faire un nouvel album, à Gérald Larose d'avoir des opinions équilibrées et à Bernard Landry de croire encore que s'il n'avait pas démissionné il y a 9 ans, le Québec serait déjà un pays. La routine, quoi. Qu'est-ce qui va changer, Jean-Philippe, avec l'arrivée des libéraux? Ben, pour nous, à la soirée est encore jeune, évidemment, une majorité libérale, ça veut dire 4 ans difficiles pour les recherchistes de l'émission à inviter des ministres. Ouais, ça, c'est beaucoup, sûr. Que c'est beaucoup plus... d'humoristes en vue, donc. Mais j'en entends beaucoup qui disent c'est épouvantable, c'est la fin du monde. C'est vrai qu'un parti de centre-droit qui perd le pouvoir au profit d'un parti de centre-droit, c'est la fin du monde. Je ouais, c'est un choc, hein? Mais on peut voir aussi du positif dans tout ça. Ben, justement, pour moi, l'élection du Quebec Liberal Party, là, en français, le Parti libéral au Québec, c'est une chose extraordinaire, éblouissante, fantastique, prodigieuse, formidable, homérique. Ouais, autant de superlatifs qui ne caractérisent pas le dynamisme de Philippe Couillard, mais quand même, outre le ton qui va redevenir magiquement paisible et harmonieux, compté sur François Legault, d'ailleurs, là-dessus, est bon. Pensez à 4 ans sans l'horrible menace référendaire qui pend au-dessus de nos vies et de nos têtes et avec lesquelles on vote, là, et qui ne nous permet pas de nous accomplir et nous épanouir dans un Québec dans le rouge quand nous sommes otages de la route. Là. Pensez au fait que Gaétan Barrette n'aura pas à chercher un autre parti cette fois-ci. Je le sais. C'est pas merveilleux. Ça, c'est un plus, ça. Hein? Ben... Pensez au fait que 3 médecins seront maintenant d'office à l'Assemblée nationale. Donc, si jamais François Gendron fait un autre malaise, ben oui, c'est vrai. Ben 4, oui. Écoute. Pensez au fait qu'il n'y aura plus jamais de chorale au PQ pour fausser Minuit Chrétien au fait. Ça, c'est vrai. C'est une très, très bonne. Je pensais au fait que Lorraine Pintal retourne au TNM. Oui. Kiff Desgagnés retourne au TNM. Enfin, on va cesser de dire que le nid de séparatistes à Radio-Canada, c'est au TNM. Ben oui. L'arrivée des libéraux, ça veut aussi dire une entente de libre-échange avec l'Arabie Saoudite est vraiment à portée de main. Hein? Hey, on y touche. Pensez au retour éventuel de Sam Ahmad au Conseil des ministres. Hein? Ah, ça, oui, ça. Hey, c'est pas extraordinaire, ça. Ça, c'est le fun. Il pourrait être nommé à la sécurité publique, ce serait renommé la sécurité publique. Ça serait vraiment le fun. Pensez à tous les employés des chaînes de montage qui vont enfin apprendre l'anglais. Ah. Puis pouvoir visser des boulons en anglais. Là. Come on, let's do the twist, comme il disait. Pensez aux ministres qui vont pouvoir recommencer à amasser 100 000 piastres en financement. Ça va faire rouler l'économie, ça. Ouais. Hein, y en a pas 12 des manières de créer 250 000 emplois sur 5 ans. Pensez à l'afflux d'intégristes qui vont venir nous gruger puis nous lapider quand on mange du bacon et des oreilles de Christ. Là. Ouais. Ça aussi, ça va faire rouler l'économie. Je le sais. Pensez aux riches étudiants de McGill qui vont enfin pouvoir faire leur longueur en paix dans la piscine de Jeannette. Honnêtement. Et elle va s'en inspirer pour écrire le tome 3 de Lit Double qui va traiter des difficultés d'un couple mixte dans ses aventures de grugeage. Et pensez finalement qu'avec le retour des vraies affaires au pouvoir, on va enfin pouvoir changer la devise du Québec de « Je me souviens » à « Je m'en sacre ». Oh! Yeah! Mais... C'est une semaine post-électorale très amère, hein? Alors, je vous sens tous très amers. Ah, oui. Franchement, là, je suis très déçu de vous. Vous tous, là, hein, franchement. Ben merci beaucoup, Jean-Philippe. C'est déjà tout pour ce soir. Écoutez, tout de suite après nous, c'est la bibliothèque de René. On remercie toute l'équipe, Marie-Hélène Rascot, Steve Côté, Jean-Philippe Jean Gagnon, Philippe Roberge, Alex Courteau pour ces personnages extraordinaires. Un gros merci à nos invités de ce soir, Manon et Gérard. Bonne rentrée parlementaire. Pourquoi 3 semaines après ça, c'est vacances? Non, ça va être un petit peu plus long. Ah, un petit peu long? 4 semaines? Quand même, ça se rendrait jusqu'au mois de juillet. Et ouais. C'est pas une vie travailler. C'est pas une vie. Merci d'être venu voir. Merci à Léo Bioubloin. Et évidemment, si vous tripez sur l'émission, réécoutez-nous en balado. Vous vous rendez sur notre site web ou sur iTunes. Et si vous voulez venir assister à l'émission, ça se passe les vendredis 16h. Vous nous envoyez un courriel pour réserver une place. Ici Jean-Philippe Vautier qui vous souhaite de profiter de cette soirée. Qui est encore jeune?